En même temps, ce que tu dis, c'est la capacité aussi du pouvoir à se réapproprier nos mots et à les détourner de leur sens. Parce que je pense que l'excellence n'était pas utilisée dans le sens... À ce moment-là ? Oui, je pense pas. Tu penses qu'on l'a soufflé, le mot excellence ? Non. On a soufflé beaucoup de choses qui ont été détournées. Enfin bon, je vais intervenir essentiellement sur deux aspects. Nous ne sommes pas les seuls syndicats, évidemment, qui nous sommes battus aux côtés de SLR. Le SNCS tient une place au moins aussi grande. Mais nous avons j'aurais voulu traiter deux problèmes. C'est d'une part le problème spécifique que posait SLR comme collectif et les rapports difficiles qu'on peut dire entre syndicats et collectifs. Et puis l'autre aspect, c'est le SNTR-CGT est avant tout un syndicat d'ITA. Et donc il avait là aussi un regard spécifique dont on parle peu d'ailleurs. Et le troisième aspect, c'est qu'en tant que syndicat CGT, nous sommes confédérés, nous avons des liens avec la recherche privée et que je pense que notre participation au mouvement a été l'occasion d'un apport original dans la mesure où on a permis d'élargir la réflexion sur la recherche aux relations entre la recherche publique et la recherche privée avec la participation de syndicalistes de la recherche privée. Donc, sur l'aspect des collectifs, les syndicats ont une expérience ancienne des collectifs. Vous vous rappelez sans doute des collectifs des hors statut dans les années à la fin des années 70 et au début des années 80. Ensuite, au moment après la titularisation, le collectif des mi-temps. Il y a eu des collectifs d'infirmières du CNRS. Il y a eu plus récemment les associations de doctorants. Enfin, tous avaient en commun qu'il s'agissait de revendications. Enfin, de regroupement, disons, de personnel autour de la défense de leurs intérêts spécifiques. Mais ça posait de toutes les façons un problème important pour les syndicats, dans la mesure où ils révélaient leur manque, leur difficulté à prendre en compte des revendications, justement, de ces catégories spécifiques. Et puis, en même temps, en général, les mouvements qui étaient portés par des collectifs étaient des revendications qui étaient déjà intégrées par les syndicats. Donc ils mettaient aussi en avant le déficit d'organisation. Mais dans chaque cas, si nos rapports ont été difficiles avec les collectifs, nous avons essayé, enfin au moins au SNTRS, de travailler avec les collectifs. Bien souvent, une partie de nos militants étaient dans ces collectifs. Et donc, nous avons toujours essayé de travailler avec ces collectifs. Mais je dois dire qu'on n'a jamais travaillé aussi étroitement qu'avec le mouvement de SLR. La spécificité de SLR, c'est qu'il ne portait pas sur une revendication catégorielle, on pourrait dire, mais qu'il posait d'emblée le problème de l'avenir de la recherche. Et en ça, je crois que ça facilitait les relations entre les syndicats et un collectif, parce que ça allait... Au-delà, la réflexion que portait SLR, enfin, si une partie était tout à fait dans les revendications habituelles d'un syndicat, du type l'obtention d'un poste, les crédits pour la recherche, etc., ça, ce sont des revendications traditionnelles. Mais la réflexion a été très largement au-delà de ces aspects, dans la mesure où il a posé aussi le problème des rapports entre la recherche et les citoyens. Et là, sur ces questions-là, les syndicats sont beaucoup moins bien armés que ne l'a été le collectif SLR. Je crois que ça a beaucoup contribué, en fait, à notre engagement auprès de SLR. Cela dit, ça ne s'est pas passé du tout facilement et les débats ont été importants dans le syndicat. Moi, je dois dire que ça a été un coup de force. Ça a été un coup de force dans le syndicat. D'abord, un syndicat, c'est quand même une organisation dite démocratique, donc avec une conception de la démocratie où des instances se réunissent, on élit à différents échelons, chaque instance est contrôlée par une commission, pour la CGT c'est une commission exécutive, et donc nous devons rendre compte régulièrement à ce collectif. Quand un mouvement comme celui de SLR naît, et on a vite compris qu'il fallait qu'on s'engage dans ce mouvement et qu'il fallait qu'on fasse tout, au moins pour la restitution des postes et pour le succès de la pétition, on n'avait pas le temps de mettre en branle tout le syndicat pour savoir si on avait raison ou non de nous engager. Donc ça a été un coup de force d'un certain nombre d'individus que vous connaissez tous, donc je pourrais les nommer parce que ça ne dépasse pas les deux mains, qui se sont engagés, que ce soit nationalement, au niveau national ou au niveau local, et qui ont malgré tout imposé un engagement fort du syndicat auprès de SLR. Moi, je pense que, enfin, vous me direz si au SNCF ça s'est passé comme ça, mais dans la CGT, ça s'est vraiment passé de cette façon-là. Les relations ont été, je dois dire, extrêmement étroites, dans un premier temps, nous nous sommes engagés à soutenir la pétition et à soutenir toutes les actions qui avaient été décidées par SLR. Ce qui n'est pas évident pour un syndicat de dire on va faire en sorte qu'une action décidée par d'autres réussisse. Pourquoi nous avons décidé ça? C'est parce qu'il fallait. SLR portait, en fait, ce que tu as dit, en fait, une colère à l'égard de la politique du gouvernement que partageait l'ensemble des personnels de la recherche, donc les syndiqués. Donc il fallait qu'on assure la réussite. Et je dois dire que localement, aussi bien que nationalement, un grand nombre de camarades ont apporté leur soutien, leur capacité d'organiser des manifestations, leur capacité à mobiliser. Il y a eu des blocages dans le syndicat qui sont très très clairs. Alors les débats ont porté sur plusieurs points. Le premier point, c'est cette action est portée par des chercheurs. Elle cherche à mobiliser avant tout les directeurs d'unité. Quelle est la place des ITA dans ce mouvement? Les ITA ne s'y retrouvaient pas, il faut le dire. Ils ne se retrouvaient pas du tout. Ils ne sentaient pas qu'il y avait une réflexion sur l'organisation du travail, sur la place des ITA dans la recherche, à un moment où justement le développement des doctorants, enfin des jeunes doctorants et des post-docs était ressenti par des ITA comme une dépossession d'une partie de leur travail et un transfert vers les doctorants et les post-doctorants. Donc il y avait un malaise chez les ITA qui n'était pas du tout traité par le mouvement. D'un autre côté, les syndiqués voyaient bien aussi que les DU, les directeurs d'unité, étant au devant de la scène, les ITA participaient au mouvement, et notamment des ITA qu'on n'avait jamais vus dans aucun mouvement, parce que c'était tout le labo et qu'ils devaient participer à ce mouvement avec leur laboratoire. Donc, malaise pour des gens qui se battaient depuis des années, souvent seuls dans un laboratoire et qui voient tout d'un coup leurs collègues être les fers de lance de la lutte alors qu'ils n'avaient pas réagi avant. Donc il y avait un malaise important. L'autre malaise, évidemment, c'est un collectif, c'est quelque chose d'informe. Les gens en font partie à un moment donné, mais quand le collectif n'existera plus, il n'y aura plus personne ne se sentira responsable des accords qui auront été signés. Or, on voit bien que quand il y a un mouvement comme celui-là, il y a un engagement et des responsabilités des organisations après pour que ce qui a été obtenu soit effectivement transcrit dans les faits. Et ça, c'est bien souvent les syndicats qui assurent, en tant qu'organisation pérenne, qui assurent cela. Donc, on a eu des débats, enfin, je ne sais pas si j'oublie sûrement des parties, mais... je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, ça tu ne l'as pas dit, que Claudie Agnoret avait lancé des assises de la recherche qui étaient, qu'elle pensait organiser avec des experts qu'elle aurait nommés. Et SLR et les syndicats, à cette époque, ont dit... non, nous allons faire des états généraux de la recherche, mais ces états généraux, ça va être les chercheurs qui vont prendre en main la réflexion sur l'avenir de la recherche, en essayant aussi de nous ouvrir au-delà de la recherche. Là, le SNTRS, en fait, donc nous sommes structurés dans l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens, donc, dans lequel sont syndiqués, qui structurent en fait l'ensemble des fédérations et dans lequel on retrouve les chercheurs de la recherche privée. Et donc, on a sollicité l'UGICT pour que l'UGICT est responsable dans la CGT de la réflexion sur la recherche et avait constitué depuis longtemps un pôle recherche dans auquel nous participions, mais qui vivotait essentiellement avec des chercheurs du CEA et puis et du SNTRS, en fait. Donc on a redonné vie, en fait, au pôle recherche de la CGT, et on a essayé de porter, en fait, d'avoir une réflexion propre, disons, de la CGT sur les liens entre la recherche publique et la recherche privée. Et c'est cette réflexion-là qui a permis, avec une participation importante par exemple, de Thierry Baudin de la CGT Aventis, de, je ne me rappelle plus qui était encore. Bon, il y avait aussi des camarades d'EDF et de Thales, de Total, de GDF, qui ont participé, qui se sont fortement impliqués dans la réflexion sur les états généraux et qui ont apporté, moi je pense, un point de vue tout à fait original à ce mouvement. Ça a été, je pense, une contribution importante de notre syndicat. Alors tu posais le problème, Alain, aussi des relations avec les enseignants du supérieur. Faut quand même savoir, moi je ne sais pas ce qu'il en est au sein de la FSU, mais pour la CGT, les relations entre les syndicats des EPST d'une part et les syndicats de l'enseignement supérieur de l'autre ont toujours été extrêmement tendues. Et la FERCSUP notamment, enfin les syndicats de l'enseignement supérieur, ont refusé de prendre part à ce mouvement et ont même, je dirais, tout fait pour nous freiner dans... Ils ont fortement soutenu les critiques à l'intérieur du syndicat, quoi. On a été heureusement très soutenus par les syndicats du privé, de la recherche privée, mais pas du tout par les syndicats de l'enseignement supérieur. Alors, une explication à cela, je pense que cela est dû à une structure socio-professionnelle très différente, en fait, des ITA, des EPST et des BIATOS de l'enseignement supérieur. Au CNRS, ce sont essentiellement des catégories A, des techniciens supérieurs et des ingénieurs, hein, qui sont syndiqués au SNTRS. Dans les autres syndicats, ce sont des catégories B et C, plutôt ouvriers et employés. Et on s'est heurté, en fait, à ce que certains appellent un ouvriérisme. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne formule. Mais en fait, notre adhésion au mouvement de la recherche et la manière dont on a participé à ce mouvement était vue, finalement, comme un point de vue d'ingénieur et n'a pas été compris, disons, des catégories ouvrières et employées des universités. Donc ça a été un frein extrêmement important et je dois dire que les relations ne se sont pas vraiment améliorées depuis. C'est des relations qui sont restées tendues et notamment ils espèrent bien justement qu'avec la politique qui est menée actuellement, les EPST disparaissant, nous disparaîtrons avec les EPST. Donc c'est pas toujours, les relations à l'intérieur des syndicats sont parfois plus difficiles que les relations avec les collectifs. En tout cas, ces relations, en tout cas avec SLR, se sont traduites par un engagement personnel de beaucoup de militants de notre syndicat, de dirigeants même du syndicat, dans SLR. Pas du tout comme courroie de transmission. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. C'est-à-dire que c'est une adhésion de personnes qui pensent que les syndicats ne peuvent pas avoir une réflexion aussi large qu'un mouvement comme SLR, Ils n'ont pas non plus la même souplesse et la même capacité d'adaptation qu'un mouvement, qu'une association ou un collectif. Et donc, nous pouvons apporter notre spécificité de syndicaliste. Hein, nous avons vu ça comme une complémentarité. Quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas un engagement forcément de tout du syndicat en tant que tel, mais c'est un engagement fort de dirigeants du syndicat dans ce mouvement.